C'est comme un truc qui transpire. La haine, la couronne d'épines, couleur épée. Ma peine, pique le mal, ma béni. J'entends la mort qui m'appelle. Odeur de pifton, des sœurs guidées, tu sais. C'est comme un truc qui déchire la chair. Passe son temps à réenchérir la scène. La violence nous achève. Proximité d'une gâchette où rien ne s'achève. Sol est taché. Au pied du mur, les rêves attachés. Mort et rancœur. Si le monde nous a écœuré, la fleur du mal nous a effleuré. La peur du manque qui carré durement et perdument. La voix du démon sur le ciment, le châtiment. Blessé la vie assassine, de pouces assises. Défend toujours nos racines de carnassier. Plus rien à foutre de l'or ou l'acier. Faut se remplir la panse, négro, l'avenir est princier. Parce que nos vies n'ont pas de prix. Chers ici, nos douleurs sont déjà écrites. Destin et tragédie. Blessé, on sourit quand même. Ma gueule, j'ai l'instinct de survie jusqu'à l'épiderme. Parce que nos vies n'ont pas de prix. Chers ici, nos douleurs sont déjà écrites. Destin et tragédie. Blessé, on est armé quand même. Ma gueule écorchée vif comme Caïn à sa mère. Ce qui nous tue pas au fond nous rend plus fort, mec. Regarde nos mères au parloir s'effondrer. Un besoin de réconfort. Triste sort, faut avoir la force pour pas péter les plombs, merde. Hé hey, garçon, nos balles se perdent. Et on doit faire de la maille de n'importe quelle façon, non. La rue nous a tendu ses pièges. Laisse-moi prendre les miens dans mes bras au milieu du cortège. Mon brolique dans le dos en cas d'attaque. Car la vie nous braque, mec, nous a mis les bracelets impunément. Ici au bois les bandits blessent comme Jet Li. Ça sent la mort assurément. Et viens pas chez nous, on met ton pare-balles. Si tu parles mal dans ton disque, sinon on creusera un putain trou, un point c'est tout. La vie c'est un zoo, je suis une hyène parmi les loups. Parce que nos vies n'ont pas de prix. Cher ici, nos douleurs sont déjà écrites. Destin et tragédie. Blessé, on sourit quand même. Ma gueule, j'ai l'instinct de survie jusqu'à l'épiderme. Parce que nos vies n'ont pas de prix. Cher ici, nos douleurs sont déjà écrites. Destin et tragédie. Blessé, on est armé quand même. Ma gueule écorchée vif comme Caïn à sa mère. À sa mère, dans ma bouche, la rime a le goût amer. Imarine est borné, marine est bornée. Des peuples meurtris, mais personne n'est concerné. Bref, moi j'ai la salive qui me brûle, négro. On se tape dans le rap en attendant le jour J. L'avant enrayé pour que mon peuple brille. Je vis pour l'instant, je prie pour pas tirer dessus. Ma vie frise la folie, c'est encore pire en dessous. Faire aimer la douleur depuis les champs de coton. Moi et mes frères de couleur pourpre. Chante pour laver la fronde, ne pardonne rien. Trop mal parce que la lame du colon m'a coupé la main. On fait rimer les drames. Parce que la vie c'est macabre, histoire du sang, du marbre. Tu connais le refrain du blanc, du noir. Corché vif en terre de fric, insurgé africain en zone de crise. Parce que nos vies n'ont pas de prix. Cher ici, nos douleurs sont déjà écrites. Destin et tragédie. Blessé, on sourit quand même. Ma gueule, j'ai l'instinct de survie jusqu'à l'épiderme. Parce que nos vies n'ont pas de prix. Cher ici, nos douleurs sont déjà écrites. Destin et tragédie. Blessé, on est armé quand même. Ma gueule écorchée vif comme Caïn à sa mère.